C'était un après-midi triste et gris. Comme toujours le dimanche, et plus encore par mauvais temps, les rues du quartier où nous habitions étaient presque désertes. Je passais en voiture, et à un croisement, j'aperçus une jeune femme qui se tenait dans un coin. Il me semblait qu'elle pleurait. Je suis quand même rentré chez moi, mais la vision de cette femme visiblement enceinte me poursuivait. J'en ai parlé à ma femme, et nous sommes allés ensemble à ce coin de rue. Avec quelques baluchons, elle se tenait là, son visage marqué par les larmes. Pourquoi pleurait-elle? Sa patronne l'avait renvoyée. Elle se trouvait dans la rue, et tout près d'accoucher. Nous l'avons prise avec nous, et le lendemain, elle a pu aller dans un refuge maternel où son enfant est né. Et voici encore un autre cas de niveau social totalement différent. Une dame était assise dans mon bureau, pleurant à chaudes larmes. Son mari était la cause de toute son amertume et de son désespoir. Tout à coup, elle s'est aperçue que je lançais un coup d'œil furtif à ses nombreux et précieux bijoux. Elle me dit avec rancœur, « Ah, ces bijoux ? Rien d'autre que l'investissement de mon mari !» Pour l'une comme pour l'autre, que de pleurs ! Quel flot de larmes ! Pourquoi ? Parce qu'on est malheureux, parce qu'on a été malmené, parce qu'on a été trompé, défavorisé, traité avec injustice, parce que la haine ronge le cœur. Dans l'Évangile, selon Luc, à la fin du chapitre 7, il est aussi question d'une femme. Mais ce récit est différent et tellement merveilleux. Il constitue un tableau impressionnant, un tableau vrai au poignant contraste. Focalisons cette femme. L'Évangile ne donne pas son nom. Il la désigne comme une pécheresse de la ville. Pas un mot ne sort de sa bouche. Elle connaissait probablement le Seigneur pour l'avoir entendu. Elle savait qu'il accueillait les gens de mauvaise vie. Il nous est permis de croire qu'elle connaissait aussi son message. Elle arrive dans la résidence distinguée de Simon le pharisien, où Jésus avait été invité pour un repas. D'autres hôtes se trouvent aussi avec lui, allongés pieds nus sur les divans disposés autour de la table. La femme vient avec un vase d'albâtre plein de parfums. Elle mouille les pieds du Sauveur de ses larmes, les essuie avec ses cheveux et ne cesse de les lui baiser. Puis elle y verse son précieux parfum. Une pécheresse de la ville, une femme de mauvaise vie. Tout le contexte nous montre clairement la motivation de son comportement et de ses actes. Ce ne sont pas des larmes de haine, de jalousie ou d'amertume. Des tierces personnes n'en sont pas la cause, mais ce sont des larmes de repentance. Or, la repentance de cette femme s'accompagnait de foi. Elle le prouvait par ses actes. Elle savait que celui à qui elle vouait toute sa dévotion n'était pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Elle savait aussi que Jésus ne repoussait pas ceux qui venaient à lui. Elle était si confiante que rien ni personne ne pouvait la retenir ou la troubler, ni le hautain théologien, ni les invités distingués. Troublée, elle l'était, mais par ses péchés, et en même temps elle croyait que Jésus-Christ pouvait et voulait les lui pardonner. Chers auditeurs, pensez un instant à la rencontre de cette femme avec Jésus. Elle éprouvait vraiment cette tristesse selon Dieu dont l'apôtre Paul parlait. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Que de tristesse selon le monde aujourd'hui ! Absence totale de vraie joie, absence de vraie vie. C'est hélas si rare de nos jours de voir quelqu'un pleurer sur son péché, tout au plus sur les conséquences qu'il entraîne. C'est tellement rare que quelqu'un n'accuse pas les autres ou les circonstances pour son malheur, mais qu'au contraire, il assume la responsabilité de son péché. Dans le récit de l'Évangile, quel silence autour de cette table. Personne ne parle, du moins pas à haute voix. Mais Simon et ses invités n'en pensent pas moins. Que pense Simon le pharisien ? Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Cette espèce de femme inspirait de l'horreur à Simon. Oui, il la connaissait. Qui ne la connaissait pas ? Il savait qui elle était. Il a jugé. Et en même temps, il jugeait Jésus qu'il a laissé faire. Sa propre justice se manifeste en orgueil d'une part et en mépris de l'autre. Je pense que nous osons lui attribuer les paroles du pharisien de la parabole racontée en Luc chapitre 18 à partir du verset 9. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères. » Oui, Simon connaissait cette femme. Il ne se connaissait cependant pas lui-même, ni l'état de son propre cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ? Simon ignorait également ce que l'Écriture disait à propos des attributs du Messie. Les prophètes avaient prédit des siècles auparavant. Il ne jugera point sur l'apparence ? Il ne prononcera point sur un « oui-dire », il ne brisera point le roseau cassé. Avec tout cela, ce connaisseur ignorant était inconscient de sa propre dette vis-à-vis de Dieu. Aussi, Jésus lui raconte-t-il une parabole. Un créancier avait deux débiteurs qui ne pouvaient pas payer. L'un devait 10 fois moins que l'autre, mais était également insolvable. Le généreux créancier décida de leur remettre à tous deux leur dette. Et Jésus conclut par cette question à Simon. « Lequel l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » L'arithmétique de Simon était juste, mais son jugement sur lui-même entièrement faux. Il ne se sentait nullement concerné par ses débiteurs. Il était comme ses collègues, propres, justes, aveugles, spirituellement parlant, à qui le Seigneur a dû dire « Vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Cher ami qui nous écoutez, seriez-vous parmi ceux qui se croient justes, en ordre avec Dieu simplement par le fait que vous n'êtes pas comme les autres hommes, que vous pratiquez votre religion, que vous suivez vos principes? Ignorez-vous votre dette envers Dieu, bien qu'elle puisse être inférieure à celle de cette femme? Pourtant, permettez-moi de vous le dire, comme elle, vous êtes insolvable. Aucun mérite, aucune œuvre de votre part ne peut payer la dette de vos péchés, puisque déjà le prophète Ésaïe disait « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Ou encore selon les paroles de l'apôtre Paul. « Que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Simon aimait-il le Seigneur qui était aussi disposé à lui pardonner ? Je ne le pense pas. J'en veux pour preuve ses reproches de Jésus. « Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Tu ne m'as point donné de baiser. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. » En parlant à Simon, le Seigneur regarde la femme de laquelle il dit « Mais elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » Les voici les personnages de notre tableau. Simon dans toute sa raideur. La femme comme fondue devant Jésus-Christ. Elle a beaucoup aimé. « Simon, je viens t'en donner les preuves. Elle n'aurait pu montrer davantage son amour. Oui, elle s'est approchée dans la foi, dans cette confiance en celui qui pardonne tout péché. Sa foi s'est manifestée par ses actes d'amour, et cet amour était si grand parce que la somme de sa dette était si énorme. Si d'aucuns pensent que c'est notre amour qui nous obtient le salut, ils se trompent. C'est Christ, l'ami des pécheurs qui sauve et qui pardonne. C'est cela qui a rempli le cœur de la femme de beaucoup d'amour, alors que le cœur de Simon est resté vide. Jusqu'ici, le Seigneur s'est adressé à Simon, tout en regardant la femme. C'est aussi Simon qui entend la première déclaration de pardon. Je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Ensuite seulement le Sauveur s'adresse à la femme. Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. La voilà absoute. La voilà dans la paix. Quel bonheur de pouvoir annoncer un pareil message par le moyen des ondes. Je ne puis vous voir, mais Dieu vous voit. On peut être grand pécheur et paraître juste à son entourage. Je vous en supplie, chère auditrice, cher auditeur, laissez-vous convaincre par ce passage de l'Évangile. Laissez-vous convaincre de votre dette, afin que Jésus-Christ puisse vous la remettre et vous pardonner, et que de cette manière, vous, à votre tour, vous puissiez beaucoup aimer.